Merde, je parle pas dans le micro. J'ai une piste pour Ninja, une pour la batterie, une pour le chant, pour la basse. Une, deux, trois pistes. So